C'était une provinciale et elle s'appelait Emma. Dans la Normandie matinale, quand les vaches ruminent déjà, quand la brume s'étire sur les champs, elle cachait ses yeux sous les draps et disait à celui qui n'était jamais là. Emma, je m'appelle Emma, et je ne sais pas si jamais cœur aima aussi fort que moi. Je m'appelle Emma, alors aime-moi, moi Emma. Les jours se déroulaient banals et la radio n'existait pas. Imagine les gens qui regardent en silence derrière les rideaux, son mari qui l'oublie un peu. Et un jour, un homme a surgi, et sans fin, cet amour dont elle rêve quand elle dit Emma, je m'appelle Emma, et je ne sais pas si jamais que représentant de commerce, il lui offre un foulard à fleurs. Elle croit qu'il lui donne son cœur, mais lui n'en veut qu'à son corps. Alors elle pense à la mort et à ceux qui l'entendent, mais trop tard, elle dit je m'appelle